Laetitia. À tête, une péri par Laetitia. Péri par Laetitia. Le gentleman du rayon. Laetitia. Était une péripatéticienne. Son histoire me touche. J'ai juré de l'emmener loin de tout ça. Laetitia était une péripatéticienne. Son histoire me touche. J'ai juré de l'emmener loin de tout ça. Loin de tout ça. Répond, allume la lumière. Sois un génie, illumine. Sois vaillant. Fais pas l'aumône, je te ken pas, je suis pas d'humeur. On vend des coques shit peu, et ce depuis type peu. Des escortes au plus gros cul que celui de Cardi B. Sur Paris, ça tartine, j'arrive dans 10 minutes. L'ancien me dit t'es trop vif, la cadence diminue. Je lui réponds maintenant, je dors, je vis mon air. Pétasse crie mon âme, c'est une vraie chienne au lit. Laetitia, était une péripatéticienne. L'histoire me touche, j'ai juré de l'emmener loin de tout ça. Laetitia était une péripatéticienne. Son histoire me touche, j'ai juré de l'emmener loin de tout ça. Loin de tout ça. Aller-retour nord-sud dans la valise de ton lit. Des brillards, des lumineux, refuse la vitrouille. Postiché sur le corner, chargeur sur le training. Le chat court très vite, un anti-garde à vue. Un mental très fort, d'un naturel très fier. Très peu confiant, méfiant. Le chat court très vite, un anti-garde à vue. Je vais bien tasser mon bédou. Tu roules mal, recommence tout. Laetitia était une péripatéticienne. Son histoire me touche. J'ai juré de l'emmener loin de tout ça. Laetitia était une péripatéticienne. Son histoire me touche. J'ai juré de l'emmener loin de tout ça. Loin de tout ça. Péripatéticienne. Oh toi Laetitia.